Chapitre 52. Le mérite d'espérer en Allah. Allah Ta'ala dit: et je confie mon sort à Allah. Allah est certes clairvoyant sur les serviteurs. Allah donc le protégea des méfaits de leur ruse. Sourate 40, versets 44-45. 440. Selon Abu Huraira, radiyallahu anhu, le messager d'Allah, alayhi salatu wa salam, a dit: Allah azza wa jal dit: je suis à l'égard de mon serviteur selon ce qu'il pense de moi, et je suis avec lui là où il m'évoque. Par Allah, Allah se réjouit plus du repentir de son serviteur que l'un d'entre vous qui retrouve sa monture égarée dans le désert. Celui qui s'approche de moi d'un empan, je m'approche de lui d'une coudée. Et celui qui s'approche de moi d'une coudée, je m'approche de lui d'une brasse. Et celui qui se dirige vers moi en marchant, je m'approche de lui avec empressement. Muslim. 441. Jabir ibn Abdillah, radiyallahu anhuma, rapporte qu'il a entendu le prophète alayhi salatu wassalam dire 3 jours avant de mourir que personne ne meurt sans avoir bon espoir en la miséricorde d'Allah azza wa jal. Muslim. 442. Anas radiallahu anhu rapporte qu'il entendit le messager d'Allah alayhi salatu wassalam dire: Allah Ta'ala dit: ô fils d'Adam, tant que tu m'invoques et espères mon pardon, je te pardonne, quels que soient tes péchés, peu m'importe. Ô fils d'Adam, si tes péchés atteignaient le ciel et que tu implorais mon pardon, je te pardonnerais, peu m'importe. Ô fils d'Adam, si tu me rencontrais après la mort avec le contenu de la terre comme péché, mais sans rien m'associer, je t'accueillerais avec le même contenu en pardon. At-Tirmidhi a dit: Hadith Hassan.